petite histoire de la musique. Guillaume de Machaut et Lars Nova. Violaine Anger. Premier épisode aujourd'hui, par bourg, par cité, par école. Nous sommes à la fin du XIVe siècle, près de Reims. Un vieil homme entre dans un atelier d'artiste. Il voit de grands lutrins pour écrire, des broyeurs de couleurs, des pinceaux, de multiples pots, azur outre-mer, azur d'Allemagne, vert de Hongrie, vert de Flandre, mine, rose de Paris, et j'en oublie. Le duc de Berry, qui collectionne déjà les rubis et les plus beaux manuscrits, a fait commande d'un livre, avec le plus beau velin et des enluminures en pleine page. Et le vieil homme qui entre vient vérifier que tout est prêt. Ce livre dont il surveille la fabrication, c'est celui de ses œuvres. Elles ont déjà été copiées partiellement et toute l'Europe les connaît, mais aujourd'hui, il s'agit pour lui de rassembler tout ce qu'il a écrit, poèmes et musique. Et le duc de Berry tient cette entreprise pour si précieuse qu'il a promis une très grosse somme d'argent. Les miniaturistes s'empressent, ouvrent le grand folio. Dame Nature, par qui tout est formé, sur terre et sur mer, apparaît, et elle parle. Je viens à toi, Guillaume, qui formé t'es à part, pour faire par toi former nouveau dit, amoureux et plaisant. Pour ce, je te baille trois de mes enfants qui t'en donneront la pratique. Ils se nomment Sens, Rhétorique et Musique. Écrire de nouveaux dits, amoureux et plaisants. Oui, c'est bien cela. C'est à cela que Guillaume a consacré sa vie. Et c'est à cela qu'il rêvait déjà il y a presque 50 ans lorsqu'il était écolier. Il se revoit avec ses tablettes de cire, découvrant qu'il y a trois sortes de musique. Il y a la musique du monde, celle qui est l'harmonie cosmique, celle des sphères et des planètes. Il y a la musique humaine, celles qu'entretiennent toutes les parties du corps entre elles, l'admirable accord inaudible entre le corps et l'âme. Et il y a la musique instrumentale. Et sur le monocorde, cette corde tendue, vibrant sur une planche mesurée, il apprenait les consonances, les proportions simples et complexes que l'on retrouve aussi bien dans la structure des cathédrales en voie d'être achevée que dans les plantes et dans la nature. Et Guillaume se revoit, écolier, comprenant les relations intimes qui existent entre l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique. Il retrouve son émerveillement lorsqu'il avait vu pour la première fois les édifices savants de musique où l'on retrouvait partout le nombre 3. Trois voix différentes superposées sur une seule voix, la teneur empruntée au répertoire des offices, avec un rythme ternaire, le seul qui soit en accord avec la vérité des choses. Un, deux, trois. Dieu est ordonnance universelle. avait une éducation savante. Au cours de ces années, Guillaume se revoit en train d'apprendre aussi la dialectique, l'art de répondre sur un point précis, parfois dans des sortes de joutes publiques, à toutes les questions et objections que d'autres peuvent lui faire. Et cela arrive partout, même dans les cours d'amour, où l'on dispute. Vaut-il mieux un amant hardi ou un amant timide? Vaut-il mieux qu'un vieil homme ait jouvent ami ou que vieil ami soit à jouvencelle? Vaut-il mieux faire sa cour par des faits d'armes ou par des paroles? Guillaume revit l'ardeur qu'il éprouvait au cours de rhétorique. L'art d'organiser un discours en exorde, narration, preuve, réfutation et péroraison. L'art de connaître les différents styles dans lesquels on peut parler. Et l'art d'organiser les mots et les pensées pour les insérer dans des formes élégantes et parfaites. Le rondeau, le virelet, la ballade. Guillaume avait aussi appris la grammaire. Comment Adam a nommé ce que Dieu a déposé dans le monde et qu'il faut à présent chercher et déchiffrer. Et c'est aussi avec une fièvre de plaisir qu'il avait écouté le roman de la rose, cette histoire courtoise et allégorique de la conquête d'une rose. Et au fil des pages, il avait vu l'émotion grave des entités abstraites qui agissent, espérance, courtoisie, amour, comme autant d'essences quasi religieuses, intense, irréel, aussi réel que les nombres à l'œuvre dans les motets. Il avait appris à lire la musique, il connaissait le vrai sens des signes musicaux. Il avait appris que si l'on met une queue à droite d'une note de musique, cela a pour effet de la rendre parfaite, c'est-à-dire qu'elle dure 3 temps. Et pourquoi ? Parce que dans l'homme, le côté droit est parfait. Parce que le côté droit contient la pax, qui nourrit le sang et qui se trouve à droite. Et c'est pour cela d'ailleurs que le Christ sur la croix s'est fait frapper du côté droit, pour que la totalité de son sang soit versée sur le genre humain. Et c'est pour cela aussi que la pointe du cœur est tournée vers la droite, émettant la chaleur et l'élément nutritif. Et d'une manière plus générale, Guillaume avait appris la correspondance de toutes les choses, les analogies, les affinités entre les plantes, les animaux, les étoiles, les mots, et tout le vaste réseau des choses dans lesquelles Dieu a imprimé sa marque, et dont on fait l'inventaire, dont il faut comprendre à l'infini les relations. La question n'est pas la vérité qui de toute façon est là, mais le repérage des ressemblances. Et c'est pourquoi Guillaume, encore écolier, éprouvait une telle joie à écouter les troubadours et Adam de la Halle, qui écrivaient les paroles et la musique de leurs œuvres, et il se promettait un jour de faire la même chose. Quel genre d'écolier a été Guillaume, personne n'en sait rien. En tout cas, pendant ses études, il a eu le loisir de se rendre compte que tout n'est pas si ordonné qu'on cherche à le croire. L'Église elle-même est traversée par des querelles de pouvoir, le pape n'est plus à Rome, il est à Avignon, et les affaires se multiplient, pendant ses études, jusque dans l'entourage du roi. Sans doute un jour, Guillaume a-t-il entendu parler des débauches des filles du roi à la tour de Nesle et de la pendaison pour corruption du ministre des Finances. C'est le règne de Fauvel, ce grand âne symbolique fabriqué de flatterie, d'avarice, de vilenie, de variété, d'envie et de lâcheté. Cet âne symbolique devant qui tout le monde se précipite pour lui faire révérence et pour toucher sa merde. Et le dégoût vous prend lorsque le monde ainsi se dévoie. Et par ma foi, a certainement pensé aussi le jeune Guillaume, Porcher aimerait mieux être que Fauvel torché. Porcher mieux être âme rouelle que Fauvel torché. Le Fauvel que t'envoie torcher, doucement sans lui écorcher. Suis entré en mélancolie pour ce qu'est bête si poli. Souvent le voit en pointure, tous lui ne cèdent sa figure. Moquerieux sans sous folie, et pour ce sans amphibolie. Clairement dire et de tel bec ce qu'il m'en peut choir en tête. Fauvel logis, mais en l'étable, ni la maison plus honorable. C'est pendant ses études que tout cela s'est passé. Rien ne va vraiment. La plus haute magistrature de l'époque s'émeut et est à l'origine de ce pamphlet musical qui dénonce la corruption généralisée qui règne dans l'État. Peut-être, pendant ce temps, s'il était à la Sorbonne, Guillaume a-t-il été écolier de Jean de Muris, qui enseignait lui aussi un esprit nouveau dans la musique. En tout cas, il a certainement été bouleversé par cet esprit dont il est le témoin. On dit qu'il faut laisser la musique des sphères et la musique de Dieu, que seule finalement la musique instrumentale, la nôtre, celle que nous produisons nous-mêmes, est importante. On dit que les signes des notes relèvent de la convention. Inutile d'aller chercher notre Seigneur Jésus-Christ pour justifier leur forme. Il suffit de se mettre d'accord sur ce que les signes des notes veulent dire et point final. Faisons de la musique au lieu de la gloser pour la justifier. On dit que lorsqu'on divise le temps par trois, on n'est en rien plus proche des intentions divines. Le nombre n'a pas d'existence en soi, il sert à calculer et à maîtriser les choses, et c'est tout. De même que lorsqu'on compte l'argent du trésor royal, on ne cherche pas à savoir si les nombres que l'on trouve sont en continuité avec une quelconque structure de Dieu. De même, il est tout à fait possible de compter la musique à deux temps, et non pas seulement à trois. C'est une question de calcul. Dieu n'a rien à faire là-dedans. Et Guillaume entend cette nouvelle musique, qui bouleverse tant de choses. Ces motets, où l'on superpose trois voix, ayant chacune leur texte, avec parfois des notes très rapides, les modernes aiment la vitesse. C'est tellement neuf que lorsqu'avec quelques clercs il se met à la chanter, il n'en croit pas ses oreilles. Il n'y a plus de teneur empruntée, et l'ornementation et le cheminement libre des différentes voix fait que l'édifice habituel des consonances est profondément altéré. Et Guillaume apprend aussi que le pape condamne toutes ces nouveautés musicales. Et pour cause, pense-t-il. Ces gens, même s'ils ne le disent pas, sont de la même famille que ce franciscain anglais, Guillaume d'Ockham, récemment condamné aussi par le pape, cet autre Guillaume qui dit que lorsqu'Adam a nommé les animaux de la création, ce n'est pas Dieu qui garantissait la vérité de ses mots, c'était une convention. Et cette musique, si belle, si séduisante, cette musique segmente et calcule, elle introduit des temps binaires dans la Trinité, elle met à égalité le binaire et le ternaire, et donc elle oppose de manière binaire le 2 et le 3. Alors, si un jour on ne calculait plus que de manière binaire, si on oubliait la Trinité, que deviendrions-nous ? Guillaume se revoit, jeune Claire, et il est un instant dérangé par les garçons de l'atelier où il se trouve. Il avait failli devenir Claire de l'archevêque de Reims. Il se serait alors occupé des affaires du diocèse de Reims. Mais fortune en avait décidé autrement. Le roi Jean de Luxembourg avait des vassaux près de Machaut, et il avait entendu parler de Guillaume et de son frère Jean comme deux clercs assez doués. C'est pourquoi il avait engagé Guillaume pour lui servir d'aumônier. Concrètement, cela voulait dire partir à Prague, puisque Jean de Luxembourg, fils du Saint-Empereur, était roi de Bohême. Jean avait le même âge que Guillaume, il était plein de fougue, il avait un caractère un peu particulier, c'était un chevalier qui aimait la courtoisie. Il connaissait par cœur le roman de la Rose. Alors partir en Bohême, c'était l'aventure, c'était aussi l'amour. Quand amour vient en cœur débonnaire, jeune, gentil, plein de désir, par plaisance engendré, c'est trop fort d'y résister. Question. Qu'est-ce qui attend Guillaume au service du roi Jean ?